Je suis la reine du MSN. Mes jambes en photo, pas de blême. Je suis la princesse du SMS. En une seconde, je t'envoie mon adresse. Mais